cimenter les murs d'une chanson, une envie d'édifier comme des fondations, ouvrir une fenêtre sur le monde, un chemin pour les vagabonds, des mots pour capter le flux des photons, une envie de pousser les murs de ma prison. Ce qui nous fait naître, ce qui nous emporte, un destin dans le creux de la main. Cimenter les murs d'une chanson pour se faire à l'envie une bonne raison. Au-delà des mots, le plein de sens pour tous les humains de passage. Des mots pour démonter ce qui rime à l'oppression, pour faire de nos rêves une belle saison, sortir de soi-même sans peur ni crainte, faire l'amour à la mort qui se pointe. Des mots pour cimenter les murs d'une chanson, un mortier délicieux pour figer l'émotion. Maintenant on s'évade sous de nouveaux cieux pour mourir à l'instant suivant. Des mots pour commenter l'unique information, la puissante énergie de nos cœurs en fusion. Finir ensemble le tour sur nous-mêmes, disparaître dans le tourbillon.